Plage 9, l'abondance. Contrairement aux idées reçues, l'argent est un élément positif dans nos vies. Certes, à condition qu'il ne devienne pas le maître. Mais il nous accorde la liberté de choix et de mouvement. Malheureusement, beaucoup de personnes souffrent du manque d'argent. Et attendu que Ho'oponopono nous renvoie à une totale responsabilité de ce que nous vivons, il est fort probable que ces personnes possèdent des mémoires erronées concernant l'argent. Notamment en raison de la vie négative si répandue au sujet des gens riches ou bien d'expériences et de programmations acquises depuis leur naissance. La conséquence est qu'ils expérimentent la pénurie dans leur existence alors que nous avons tous le droit à la liberté financière et à l'abondance, surtout dans nos pays industrialisés. Aussi, il est grand temps d'y remédier avec l'aide de Ho'oponopono. Vous êtes toujours installé confortablement au pied de votre arbre sur un coussin de mousse, avec les jambes croisées. Gardez les yeux fermés et respirez profondément, calmement. Ressentez l'odeur de cette forêt. Écoutez la nature vivre autour de vous. À présent, prenez un moment pour songer à votre rapport à l'argent, à l'accueil et à la place que vous lui accordez dans votre vie. Vous pouvez également vous focaliser sur un fait ponctuel, comme par exemple une dette actuelle que vous n'arrivez pas à régler, ou un besoin d'augmentation de vos revenus, à moins que ce soit à propos d'une certaine somme pour réaliser un projet. N'émettez aucun jugement, ni sur le passé, ni sur le présent, et encore moins sur l'avenir. Ne faites aucune anticipation, contentez-vous d'y penser. À présent, écoutez cette déclaration et laissez-la vous imprégner et résonner en vous. Désolé de n'avoir pas perçu l'abondance universelle et d'avoir préféré entretenir des pensées de manque. Pardon à ma vie de lui avoir fait vivre ces situations de pénurie. Merci au divin qui est en moi et d'effacer cette mémoire de manque et de me permettre de vivre désormais dans l'indépendance financière et l'abondance. Je t'aime. À moi, qui saisis toutes les opportunités et possibilités honnêtes de m'enrichir sans faux scrupules. À la vie, qui m'apporte tout l'argent dont j'ai besoin et même plus. À l'univers, qui me dispense toutes ses grâces avec facilité. Maintenant, nous allons faire Ho'oponopono ensemble, à voix haute, alors que vous demeurez focalisé sur votre domaine financier. Encore une fois, ne demandez rien et ne jugez rien. Simplement faites Ho'oponopono. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Sentez votre corps et votre être se délivrer des contingences matérielles. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Plus vous progressez dans votre nettoyage, et plus vous devenez un aimant qui attire l'argent. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Ressentez l'or de la vie et de l'univers envahir votre corps et votre vie. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. À présent, il ne vous reste plus qu'à demeurer confiant, mais aussi à repérer les opportunités qui se présenteront à vous, soit pour augmenter vos revenus ou pour solutionner une situation en cours, ou encore pour exercer une meilleure gestion de vos finances. Mais agissez, allez également au-devant de ces possibilités, ne serait-ce qu'en vous fiant à vos idées, à vos intuitions, à votre créativité. Faites-vous confiance. À présent, si vous désirez poursuivre votre nettoyage avec cet enregistrement, restez tranquillement installé au pied de votre arbre, les yeux fermés. Si vous souhaitez arrêter maintenant et le reprendre ultérieurement, alors prenez tout le temps nécessaire pour revenir dans cette réalité. Tranquillement, à votre rythme.